Dans mon fartour rond, je tourne, tourne en rond. Tantôt le fanfaron de ce gros ventre humide, tantôt le pharaon de cette pyramide qui crache des trombes d'eau, qui sera mon tombeau. Je suis gardien de phare et plus rien ne m'effare. Gardien de phare, je te jure que ça fout le cafard. Dans mon fartour rond, je ne tourne plus rond. Je crache des jurons à cette étendue vide, à la mer, ce giron, ce ventre trop avide. Ogresse, avaleuse d'hommes et grand Capharnaüm. Je suis gardien de phare et plus rien ne m'effare. Gardien de phare, je te jure, ça fout le cafard. Je suis complètement rond. Seules les vagues sauront combien dans ce chaudron j'ai avalé d'écume et d'alcool qu'elle venait. Mon cœur est une enclume qui coule par trop de brume. Je suis gardien de phare et plus rien ne m'effare. Gardien de phare, je te jure, ça fout cafard. Mon spectre blafard. D'ailleurs, ce n'est plus un phare, c'est mon dernier costume qui m'honore en fanfare d'une gloire posthume qui convoque au clairon la barque de Charon. J'étais gardien de phare, mais plus rien ne m'effare. Gardien de phare, je te suis, ça foutait cafard.